Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 51e épisode de Geekorama. Mon nom est Dominique Jean et aujourd'hui je vais vous faire écouter la superbe musique de Super Mario Kart au Super Nintendo. D'ailleurs, ça c'est le premier de la série. Moi je vais vous avouer, pardonnez-moi, je vais vous avouer, c'est pas mon meilleur, je dirais. Pas parce que c'est un mauvais jeu, il est vraiment bon, mais moi j'étais pas très bon sur ce Mario Kart là, tu sais, j'étais pas médiocre là, tu sais, j'étais capable quand même de le passer à 150 puis tout faire, mais j'étais jamais été vraiment bon. Par contre, j'aimais beaucoup regarder mon frère et l'un de mes cousins se compétitionner. Eux autres, ils étaient bons. Puis d'ailleurs, mon frère prenait Toad, puis lui, il prenait Koopa. Puis il aimait ça se faire des duels, tu sais, faire des grands prix ensemble. Puis ça, c'était le fun à regarder, mais dans mon cas, j'ai jamais été vraiment bon. Puis ce Mario Kart-là, c'est le seul... Ben, le seul... Tu sais, un point plate un peu, malgré tout, c'est que... Quand t'es moindrement bon, comme mon frère et mon cousin, ben, ça en devient un peu facile parce que les autres, les computers, ils ont toujours le même pattern. T'sais, ils font leur tour, t'sais, ils suivent pratiquement tout égal, puis t'sais, sont vraiment là, sont faciles à rattraper par derrière, justement, à faire avoir des tours d'avance sur eux autres, là, si t'es moindrement très bon, là. Fait que, t'sais, c'est... Puis t'sais, eux autres, leur avantage, les computers, c'est qu'ils ont des... Eux autres, ils ont comme des pouvoirs spéciaux, dans le sens que, tu sais, Mario et Luigi, ils peuvent tout le temps être en étoile, tu sais, puis Peach, pitch des champignons qui, d'ailleurs, sont chiants pour ça, ils visent foutrement bien, puis des fois, ils t'arrivent direct dessus, puis tu peux même pas l'éviter, là. Tu sais, Peach, elle te tire des champignons que tu peux, qui te rend petit, fait que là, tu vas vraiment pas vite. Bowser, il te pitch des boules de feu, Deka, des bananes, bref, ils ont toutes leurs particularités. Mais sinon, les sont moins, sont pas autant chiants qu'au 64. Ça, là, mec, j'en viens sur cet épisode-là, au 64, là, je vais en parler davantage, là, mais ils sont pas autant chiants, les computers, au Super NES. Mais faut laisser une chance aussi, là, c'était le premier jeu de la franchise, là, mais ça s'est amélioré au fil du temps. Fait que bon, on va y aller avec le premier bloc, les amis. On y va avec Mario Circuit. Circuit, c'est ça qu'on dit, Circuit. Circuit, en tout cas. Le circuit de Mario, ok. Après ça, Chocolate Island et Koopa Beach. Bonne écoute. We'll be right back. mais bloc 2. Et au bloc 2, qu'est-ce qu'on a? On a Donut Plains, Vanilla Lake et Ghost Valley. D'ailleurs, les courses comme Vanilla Lake, là, c'est comme c'est de la glace, là, carrément. Koopa Beach, Chocolate Island. Ces courses-là, moi, c'est pas mes préférées. Sont cool, sont originales, tu sais. Mais ce qui me tente, moi, dans les Mario Kart, j'aime ça prendre la vitesse. C'est ça que j'aime des Mario Kart plus récents, c'est que c'est, tu sais, embrayer les virages, là, puis faire des avoir là, la flamme, là, en tout cas, la chose, là. C'est ça, la flamme bleue, là, la couleur bleue sur tes roues, là, pour aller plus vite, puis te prendre un boost, tu sais, puis avoir, tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais, dans les plus récents, t'as des jumps, puis tu peux avoir plein de boosts tout le temps, puis tu peux aller vite, c'est ça que j'aime. Mais dans les courses, justement, comme Vanilla Lake, puis tout ça, les affaires de plage, c'est que, comme Vanilla Lake, t'es tout le temps, c'est vraiment là, ok, ça me prend juste des skills pour pouvoir sauter, vraiment là. Tu sais, des fois, t'as des petites bouts, là, triangulaires, là, d'eau, là, tu sais, que tu peux, comme, sauter par-dessus, là, puis c'est carrément ça, là. Je pense que Vanilla Lake, là, je pense qu'il y a plusieurs versions. Alcoché qu'il y en a une qui est en. Tu tournes en rond carrément, là, pis c'est juste ça, tu fais rien que sauter là, par-dessus les petits trous d'eau, là, pis c'est tout le temps ça. Tu peux pas avoir de vitesse, pis c'est poum, poum, poum, poum, poum, pis là tu sautes, pis c'est non-stop. Pis Koopa Beach ressemble pas mal à ça aussi. Chocolate Island, c'est moins pire, mais c'est ça, le genre de course que t'es sans cesse ralenti par l'eau, mais la température, là, bref, là, c'est pas. Moi, j'aime moins ça un peu. Moi, j'aime ça prendre la vitesse, puis aller vite, puis embrayer, virage, puis let's go. Fait que... mais sinon, c'est ça. C'est des bonnes courses pareilles. Fait que... Bloc 2, boum! Thank you. Alright, bloc 3. Et le bloc 3, on commence avec Battle Mode. Ouais, on change un peu de mode. C'est pas les courses Battle Mode, c'est... Moi, je suis... Encore une fois, je suis pas très bon dans le mode bataille dans ce jeu-là. Mon frère, il a vraiment tout le temps que c'était bon dans ce Christy jeu-là. Surtout dans le mode battle, il en était chiant. Sam, si tu m'écoutes, salut. Mais non, c'est ça. D'ailleurs, mon frère, il aimait beaucoup. Mon cousin, il a toujours détesté jouer avec mon frère en mode battle parce que il gagnait tout le temps. Donc, Moi, le mode bataille, ça a jamais été mon fort. À partir de 64, j'ai commencé vraiment à aimer ça. Là, la course, le block fault, que ça s'appelle, là, avec les 4 blocs de couleurs. Ça, c'était ma course. Ça, c'était cool. Enfin, ma course, mon arène, si on peut dire. Là. Mais non, c'est ça. Battle mode, là. J'étais pas très bon, mais quand même, c'était. La toune est bonne dans ta manouche. Après ça, Bowser's Castle. Bowser's Castle, bien sûr, on peut pas passer à côté de ça, le château de Bowser. J'aime vraiment les courses à Bowser, là. Justement, ça c'est vraiment des courses qu'on peut prendre la vitesse, puis tu sais, aller vite, là. Fait que ça, j'aime ça. Puis il y a beaucoup de jumps, puis la musique est épique. Ça, c'est awesome. Puis, bien sûr, la dernière, Rainbow Road. On peut pas passer à côté de Rainbow Road quand tu parles d'un jeu de Mario Kart. Ça c'est impossible. C'est devenu c'est devenu une course iconique, je dirais, dans la franchise de Mario Kart. Il n'y a pas un Mario Kart sans Rainbow Road. Et ça, c'est une des plus difficiles parce que la course n'est pas large. Puis le fait que la course, ça soit juste c'est juste des blocs de couleurs, là, vraiment. Là, c'est carrément un arc-en-ciel, là, ça le dit, Rainbow. Là. Des fois, on hallucine un peu tellement que c'est coloré. Puis ça va vite, là. À 150, là, ça fly en tabarnouche. Puis tu peux tomber dans les trous, là, n'importe où. Il n'y a pas de barrière. Là. Fait, tu peux tomber n'importe où, n'importe quand. Puis t'as comme dans le jeu, dans les courses, t'as tout le temps les stomps, là, les blocs là, pas contents qui tombent. Mais dans cette course-là, si tu les touches, ils te font carrément dérailler parce qu'ils sont comme lumineux. Là. Bref, même si soit ils tombent dessus, soit tu les touches, ça te fait mal. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Mais Rainbow Road est solide. La track est vraiment bonne. Puis c'est Rainbow Road, c'est rare. La plupart des Rainbow Road sont le fun. Vraiment, là, celle-là, en fait pas exception. Fait que bloc 3, les amis. We'll be right back. Hey, on est déjà rendu à la conclusion. C'est pas un épisode qui est très long, trois blocs quand même bien remplis des bandes soundtrack. Super Mario Kart, c'est un excellent jeu de course. Si vous êtes un amateur justement de jeux de course, ça vous prend ça dans votre collection. Si vous êtes collectionneur justement de jeux rétro, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les prix. Puis d'ailleurs, ça a monté. Écoute, moi je me rappelle, je pense que j'avais payé dans le temps avant que je revende ça, peut-être bien une vingtaine de dollars, 25-30 piastres, je dirais. Puis là, je regarde les prix, ça tourne aux alentours de 60 et plus là pour juste la cassette, là, une copie loose. Ça monte là. Ça, c'est malade que pour les prix montent, c'est débile mental. Mais bref, c'est un excellent jeu. Puis sur ça, je vais vous laisser avec Cup Wins et Special Final. Fait que c'est ça tout le monde, et merci beaucoup de m'avoir écouté. See ya!